Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures de plaisir, comme à chaque semaine. Stupide semaine, que j'allais dire. Bonjour Danny Janvier. Bonjour Mathieu. Tu vas bien? Ben oui, toi? Ouais. Ben, tu joues bien le jeu. Merci. Bonjour à Jesse Millette, mon Dieu. Hey, bonjour. Oui, j'ai juste de finir mon émission, je partirai jamais, vous êtes pris. Ah, tu restes avec nous jusqu'à la fin, c'est ça, non? Peut-être pas jusqu'à la fin, mais... Pour moi, un petit peu. Un bout de temps. On va avoir du vin tantôt. C'est une nouvelle voix de C'est fou. Ouais, c'est vrai. Exact. Le chant du Patriote, lundi à 11h et le jeudi à 10h. Exact. Et voilà. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va avoir des nouvelles sur Google, sur Microsoft, tous les sujets habituels, des jeux, des sites intéressants, des sites web, ça j'ai déjà dit, des logiciels, un paquet d'affaires. Mais pour l'instant, on commence en musique. Artiste vedette, cette semaine, on va passer quelques pièces de Malajube. Parce que j'ai écouté l'album au complet, je l'aime, je l'adore. On écoute tout de suite la pièce Le Crabe à La Connexion à CFU 89.1 FM. We'll be right back. Jube avec la pièce Le Crabe de l'album Trompe-l'œil, artiste vedette de la connexion. Aujourd'hui, on va en passer d'autres pièces plus tard. Pourquoi? Au moins l'artiste vedette. Ben oui. Toi, t'es un animateur vedette. Oh, ça, c'est gentil. Différent. Ah, je sais. OK, donc, c'est l'heure du fil. On commence par les nouvelles qui ont marqué le monde des jeux vidéo et de l'informatique cette semaine dans la connexion. Donc, Google va... Évidemment, Google étant mon sujet fétiche, donc je commence par ça tout le temps. Google va accéder à la fin du mois de mars à la prestigieuse liste américaine Standard & Poor's 500, la SP500, un répertoire qui regroupe les 500 entreprises considérées vitales et cruciales à l'économie américaine. La nouvelle a été annoncée jeudi dernier. Par l'organisme SP500 qui s'est tout de suite fait sentir à la bourse. Donc l'action de Google a en effet connu une hausse de 7,4%, passant de 341,82 à 367,11 à la fermeture du Nasdaq jeudi soir. OK. Compagnie vitale aux États-Unis est pas mal fort à part de ça. Le nouveau retard dans la sortie de Windows Vista, qui va paraître supposément en janvier 2007, ça non, plaît pas. Non. Oui. ça plaît pas du tout au patron de Microsoft. La compagnie vient d'annoncer cette semaine qu'elle allait restructurer différemment le département qui s'occupe du système d'exploitation Windows, question de s'assurer dorénavant de respecter les échéanciers. Steve Sinofsky, qui s'occupe présentement de la division... Pardon? Jesse, pardon? Non, excuse. Quand tu dis quelque chose, c'est qu'on t'entend. Bon, ouais, je voulais juste dire, parce que j'ai mal compris, il a été repoussé, Windows? Windows Vista a été repoussé, il était supposé sortir avant Noël, et il va sortir en janvier 2007. Ridicule. Ridicule, tu dis? Ouais, ouais. Ça, c'est comme la conférence de presse de Windows 98. Au moins, il n'y a pas eu d'écran bleu. Ça, c'était à Windows. C'est quel Windows qui a eu un écran bleu à son lancement? C'était 98. 98, ouais. Bravo à eux, ouais, c'était bien. Donc, Steven Sinofsky, qui s'occupe présentement de la division Office de Microsoft, va être transféré au département Windows pour le réorganiser massivement. Ce département gère tous les aspects liés au système d'exploitation, mais aussi à d'autres produits de Microsoft comme Windows Live. Sinofsky va être responsable des prochaines versions de Windows, alors que Jim Alkin et Brian Valentine, qui étaient les deux dirigeants actuels de Microsoft, vont travailler à la place à compléter Windows Vista le plus rapidement possible. Microsoft a déclaré que cette décision visait à améliorer ses services Live, donc Windows et Office, améliorer la vitesse pour prendre des décisions sans avoir à passer par trop de cadres, ainsi qu'à répondre de façon plus efficace à la concurrence. Un expert chez Directions on Microsoft a expliqué à l'agence de presse Associated Press qu'il ne s'attend pas à ce que cette restructuration change grand-chose au retour de la compagnie. Peut-être que ça va juste changer qu'on ne pourra pas mettre Windows Vista sur Macintosh. Est-ce que c'était déjà prévu qu'on puisse le faire? Ben, il paraît que ça a déjà été tenté et ça a été réussi. Ouais. C'est pas Windows XP qui avait été réussi? Ouais, probablement XP. Pour 14 000 $ Ouais, c'est XP, là, mais je veux dire, probablement que Vista va fonctionner aussi. Il y a peut-être pas grande différence entre les deux. C'est du Intel. Tant mieux si tu peux installer deux systèmes d'exploitation. Les Mac-eux ont bien hâte de pouvoir avoir Windows quand même, même s'ils chialent tout le temps. C'est vrai juste pour jouer. Ah ouais, mais c'est justement. C'est justement. Les internautes voient pas grand-chose lorsqu'ils surfent le web. D'où l'importance pour les compagnies de créer des sites Internet qui se démarquent. C'est ce que révèle une étude récente menée par la firme américaine Nielsen Norman Group, qui a analysé les mouvements oculaires de différents internautes lorsqu'ils naviguaient sur Internet. Selon les experts, les 230 internautes étudiés ont tous porté très peu attention aux bannières publicitaires dans le haut des sites web. Le document révèle que la majorité des participants privilégient avant tout le contenu, évidemment, mais le lisent avec un mouvement oculaire en forme de F. Et ils accordent plus d'importance à la première ligne d'un texte qu'ils lisent au complet, et ensuite, de moins en moins, plus les lignes vont vers le bas. Le document de la firme montre aussi que les internautes ont principalement été attirés par les images contenant des personnes qui les regardaient directement. Mais c'est intéressant. C'est pour ça que les pochettes d'albums plates, c'est la face du gars qui te c'est regarde. Vrai. Ça se voit pareil. Comme ou de la fille. Comme on parlait, ou le nom du gars, simplement. Pas tout le temps, là, mais tu sais, Éric Lapointe. Mais c'est toujours la face. La face de la personne. D'ailleurs, ces personnes-là étaient généralement de belle apparence physique, sans toutefois être inaccessibles. Oh. Uh-huh. Nielsen Norman Group poursuit que, selon ses découvertes, les images de personnes habillées pour le travail, donc avec un suit, et prenant des allures professionnelles, désintéressaient la plupart des internautes qui participaient à cette étude-là. Les internautes étudiés semblaient préférer les images contenant de l'information et qui servaient pas seulement à décorer un site web. De plus, les images situées au milieu du texte constituaient un obstacle pour les internautes. Donc, faut pas mettre d'images dans le milieu, faut les mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, mais pas dans le milieu du texte. Ou du monde en uniforme, c'est vrai que c'est moins... C'est pas un site, c'est du monde avec des cravates qui te regardent. C'est comme moi, quand je vais sur mon site de CIBC, il y a un gars puis sa blonde, ça doit faire 6 mois, changez-la la maudite photo. Quand j'ouvre mon site, ils sont comme ils se tiennent puis... Oh, qu'on est heureux toutes d'être avec ces hey. Les sites de commerce électronique, là, je nommerai pas de nom, mais tu sais, Infotech. Puis les autres, ils ont tout le temps des affaires, comme tu vois des gens en habit, tu vois des gens qui serrent la main. C'est tout le temps des gens qui serrent la main. Genre tout ça. Business ou témoin de Jéhovah. On dirait des sites qui ont été préfabriqués, puis qui ont jeté, ils ont mis le nom de la c'est compagnie. Un template. On dirait un template. C'en est pas un, mais on dirait vraiment ça. Oui. T'as des gens qui serrent la main. Genre, ou une famille des années 80, tu sais. Ouais. Non, moi j'aime bien la famille sur le jeu Destin. Tu sais, la fille, elle a un gilet vert, mm-hmm. L'autre fille, elle a un gilet rouge, le petit gars, il a un gilet jaune, puis le patin, un gilet bleu, puis ils jouent, puis ils ont donné l'air à votre fun, puis ils ont pris une photo comme pendant qu'ils lancent les dés, ils ont tout le sourire. Yeah. Hey, Destin, c'est tellement le jeu le plus palpitant de la Terre. J'ai failli l'acheter hier, version 70. J'ai acheté le jeu Tintin à la place pour mettre sur mon mur. Meilleur choix. Ouais. Ah, le marketing. Les chercheurs de Nielsen Norman Group ont expliqué que de privilégier l'aspect visuel d'un site au détriment de son contenu n'était pas nécessairement la bonne solution pour attirer l'œil des internautes. Donc, les participants à l'étude n'étaient pas en mesure de dire si le site web de Sony Stahl était le site officiel de la compagnie, alors qu'ils ont adoré la simplicité d'utilisation du site de Sears, qui permet de comparer le prix de différents produits de même nature. Ça veut rien dire, mais ça veut juste dire que le site de Sony est sûrement juste beau, tandis que le site de Sears est sûrement plus pratique et convivial. Ben, c'est intéressant quand c'est pratique, parce que moi, un site qui est juste beau, des fois, tu vas sur des sites, là, tu cherches tellement ce que tu cherches, là, tu capotes, là, tu sais, là. Les onglets sont mal placés, sont cachés, sont comme si ton ordinateur, Danny, qui a plus de brightness. Ouais, c'est ça. Tu vois pas l'onglet. L'écran est noir, disparu. Pas qu'il est là. Tu scrolles jusqu'en bas, puis là, c'est marqué page 1, 2, 3. Tu cliques, mais il y a comme plus de lien sur le 2, 3, 4. Fait que tu fais comme, hey, merci, c'est intéressant. Pratique, ouais. Comme quand on t'envoie dans une page, mettons, tu veux télécharger quelque chose, ils disent, ben, tu cliques sur le lien, tu cherches le lien à télécharger, là, faut que tu te promènes, faut que tu descendes, genre, au 7e étage par en dessous. c'est vraiment fatiguant. Les sites web, c'est comme les personnes, tu sais. Il y en a qui sont juste beaux, pas intelligents. Il y en a qui sont intéressants. Il y en a qui ont le package, je vous comprends. Il y en a qui sont mal faites. Il y en a qui ont des déformations. C'est le même, ça. Il y en a avec des deltaplanes en face. L'encyclopédie Britannica, vous connaissez Britannica. En français, c'est Britannica. Donc, l'un des outils de référence les plus prisés des historiens est revenu à la charge la semaine dernière contre le magazine Nature, qui avait publié en décembre 2005 un article montrant que la vénérable institution britannique pouvait commettre autant d'inexactitudes que sa rivale Wikipédia sur l'Internet. Donc, dans un document d'une vingtaine de pages, l'éditeur de l'Encyclopédia Britannica juge que l'article publié dans Nature est faux et que la démarche des journalistes était malhonnête. Ces derniers, en contre-vérifiant avec l'aide d'experts les articles de référence de l'Encyclopédie Britannica et de Wikipédia, ont trouvé que 123 inexactitudes avaient été commises par l'Encyclopédie Britannique, alors que 162 erreurs factuelles s'étaient glissées dans le contenu de sa rivale Wikipédia en ligne. L'article démontrait ainsi que Wikipédia était presque une aussi bonne source d'information que pouvait l'être l'Encyclopédie Britannica, supposément la référence des références. L'éditeur de l'Encyclopédia Britannica soutient dans le document que la plupart des erreurs soulevées par les journalistes de Nature ne sont même pas des erreurs et qu'il peut fournir toutes les références nécessaires pour le prouver. Il admet toutefois que, comme Wikipédia, quelques erreurs peuvent parfois se glisser dans l'encyclopédie, ajoutant que ce nombre est moins élevé que celui recensé par les journalistes du magazine. L'éditeur explique dans le document que les journalistes auraient envoyé aux experts consultés des articles tronqués de son encyclopédie, donc seulement des parties de l'article, allant même jusqu'à donner des textes qui n'appartenaient pas du tout au contenu de l'ouvrage de référence. Contrairement à Wikipédia, bon, on sait que l'Encyclopédia Britannica, c'est pas gratuit. Donc, voilà. C'est pour dire que les deux sont aussi aussi presque erronés l'un que l'autre, donc faut pas faire confiance aux encyclopédies. C'est, je pense que c'est la morale de l'histoire. En tout cas, c'est ben, la c'est mienne. Plus glisser des erreurs partout. On est humain et c'est des humains qui construisent ça, donc. Absolument. Mm-hmm. C'est cela. La seule guerre qui est toujours certaine d'un côté plus que de l'autre, c'est Mac contre PC. Ah! On le sait qu'il y a un PC. C'est ça beaucoup plus pratique. Un Mac. Ou Nintendo contre Sony, mettons. Ouais, là, c'est pas comparable non plus. Moi, je suis vendu à Nintendo. Je suis vendu à Sony. Sony, c'est une tondeuse. Ça prend 20 ans de loading. Hey, tu sais, moi, je pars mon GameCube avec Resident Evil. 2 secondes, je joue, je clique, enter. Là, on sort, on quitte, on revient, on l'autre. Tu parles encore de Resident Evil, c'est le seul jeu. c'est le défaut de Nintendo. Et Mario Kart? Ben, c'est ça. Si tu veux jouer avec des fleurs, puis des boboules qui roulent, puis des affaires genre. Ouais, c'est enfant, ça. Non, c'est vrai, c'est ce que c'est devenu, sauf que. Zelda. Ouais. Ben, ça aussi, c'est rendu assez dessin. C'est gentil. Non, c'est mon avis, là. Moi, c'est juste moi, là, quand ils ont switché du 2D au 3D, là, ça m'a fait un choc émotif. Ouais. Assez, on s'en est pas remis depuis ce temps-là. Hein. Non, c'est ça. Fait que même là, je joue à des jeux du Game Boy Advance, tu sais. Ouais. Parce que c'est parce 2D. Parce qu'ils sont 2D. Ouais. Gauche à droite. Mais je fais le tour en une journée, par exemple. Comme dans le temps. Tu loues ça une fin de semaine, tu faisais le tour. À quel jeu tu joues, je viens de faire Metroid Fusion, Game Boy Advance. Uh-huh. Il est assez incroyable. Je trouve que c'est un des meilleurs de la série, tu sais. Ça reste qu'au GameCube, Metroid Prime, il est intéressant, sauf que ça reste que c'est 3D. Fait que tu peux jouer à l'autre, tu peux jouer n'importe quel shooter. C'est juste que c'est Metroid, dans le fond. Mm-hmm, bon. Tu sais, appliquer, c'est la recette Metroid appliquée sur un jeu 3D, finalement. En tout cas, je retripe le Super Nintendo. Je joue sur ma télé, c'est vraiment merveilleux. T'sais. Avec le Game Boy Player, là, tu peux brancher sur le Game Boy. Ouais, d'une façon absolument légale, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Surtout pas sur mon Xbox. Non, je ferais surtout pas quelque chose d'illégal. Surtout pas. Non. Puis j'ai commencé le Zelda Minish Cap aussi, qui est quand même intéressant, même si bonbon en fait un peu. Il est très intéressant quand même. En tout cas, je vous en reparlerai, parce que là, j'ai juste... Je vais jouer à celle-là, je vais me le procurer. T'sais. Oh oui, je te prêterai mon Game Boy Player. OK, merci. Parlant de se procurer quelque chose, allons nous procurer un petit peu de mal à cheveux. Encore voici Pat Philo. Tout de suite à la connexion à CF89FM. la jupe, pas de philo, à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. On s'en va en publicité dans quelques secondes. Mais avant, faisons donc le top 5 des jeux les plus loués en club vidéo en date du 26 mars 2006. En cinquième position, sur PlayStation 2, Driver Parallel Lines. En quatrième, The Outfit sur Xbox 360. En troisième, Ghost Recon Advanced Warfighter ou GROR sur Xbox. En deuxième, Metal Gear Solid 3 Subsistence sur PlayStation 2. Et le jeu le plus loué en date du 26 mars, c'est Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox 360. Mais ça, là, c'est le jeu, là, mettons, avoir une 360. Je pense que c'est le premier jeu que j'irais me chercher. J'ai jamais vu des graphiques de même. Lequel? Le dernier Ghost Recon sur 360. Ah oui. J'ai bien aimé te battre à la boxe d'autres fois. souvenir. Ah, c'était le fun. Ah, ouais, c'est ça. On avait eu bien du plaisir. Je pense que je vais le downloader au Xbox. Surtout toi. Tu vas pas le downloader, franchement. D'un club vidéo. Ah oui, tu vas aller tu vas le télécharger d'un club vidéo. Oui, c'est ça. C'est l'expression. Tu sais. C'est ça. Ben ouais, c'est le même qu'on dit ça. Mais on va me downloader un jeu. Même. Bon, ben je vais aller downloader aux toilettes, je reviens. C'est cool! Nous, on va se downloader une pub et on revient juste après. Vous écoutez CNX, on parle technologie informatique et jeux vidéo sur C'est Fou 89.1 FM. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous encore pour une heure et demie. Avec Jesse Minette et Danny Janvier sur la table, sur leur chaise individuellement. Pas sur la même chaise, parce que c'est... Ben, tu le sais pas. Ouais, parce que c'est ça, là. Ouais, bon. Yeah! On n'entendait pas. Ben non. Ben, des fois, on est sur la même chaise, mais à ce moment-là, on a bu beaucoup, beaucoup de bière aux pommes. Et c'est donc régulier, ça arrive souvent. Ça arrive. Ça arrive. Oh, c'est une fois. On revient avec la deuxième partie du fil de nouvelles, mais encore en musique. Voici The Solids, The Future Is Now. Yeah. The Solids, The Future Is Now à la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo à Cifou 89.1 FM. Danny Janvier est à ma gauche, Desminette à l'avant de moi, mais un petit peu plus à gauche. Et moi, je suis devant moi-même. Et devant les Excellent. Auditeurs, en plein, devant directement devant les auditeurs. Yeah! En direct de la Chasse-Galerie. Oui, il y a un gros party, check ça, plein de monde, j'ai rouvert les stars. Malade, malade. C'est fou. Donc, vous écoutez l'émission fou. D'informatique et jeux vidéo. On continue avec d'autres nouvelles, ça, tu sais. Oh oui, vas-y. Rapidement, la maison d'édition des Beatles, Apple Corps, se prépare à entamer une nouvelle poursuite judiciaire contre Apple Computers, la firme de Steve Jobs, portant sur la vente de musique en ligne. La maison d'édition estime que la firme américaine ne respecte pas une ancienne entente à l'amiable conclue en 1999 concernant la distribution de musique et cherche compensation financière. Les deux compagnies en sont à un troisième litige depuis la fondation par Steve Jobs et Steve Wozniak de Apple en 1976. Le premier conflit date de 1991, qui portait évidemment sur le nom de Apple. Apple Computers avait alors réglé à l'amiable en versant 80 000 $ américains à Apple Corps, tout en spécifiant que la compagnie ne se lancerait jamais dans l'édition de musique pour éviter la confusion chez les consommateurs entre Apple et Apple. Et, ouais. Et on sait que Steve Jobs avait nommé ça en l'honneur de ce label parce qu'il tripait sur les Beatles, pis ça c'est pas des jokes. J'étais pas au courant de ça. Ouais, c'est le nom Apple vient vraiment des Beatles. Okay. Donc c'est normal qu'il y ait une poursuite ensuite. Oui, oui. Ben puis surtout que Apple, je pense qu'ils ont des sous là, puis ils ont des sous pour payer. Ouais, ils sont capables. Ouais, peut-être qu'ils le font quand même, puis ils vont juste payer une redevance. Ben c'est ça, ils vont le faire encore, mais ils vont payer tout simplement. Mm-hmm. Ouais, ben ça, c'était en 91. Ensuite, en 99, Apple Corps a entamé une nouvelle poursuite contre Apple Computers lorsque les ordinateurs Mac étaient largement utilisés pour enregistrer et mixer de la musique. Nouvelle entente à l'amiable, cette fois-ci de 25 millions de dollars américains, et nouvelle promesse que la compagnie de Steve Jobs ne se lancerait pas dans l'édition et la distribution de CD. La troisième poursuite que compte entamer Apple Corps contre Apple Computers cherchera à déterminer si la firme américaine n'a pas rompu l'entente à l'amiable en se lançant dans la vente de musique en ligne avec son service iTunes. C'est le deuxième combat en deux semaines qui s'amorce en Europe pour Apple Computers. La semaine dernière, la France a en effet été annoncé qu'elle était sur le point d'adopter une loi forçant l'interopérabilité du format AAC Fairplay exclusif à Apple, le rendant ainsi accessible à ses concurrents. Ce que ça veut dire, c'est que le format de que Apple utilise pour ses MP3 qui fait que seulement iTunes peut envoyer des MP3 sur un iPod. Là, la France a dit que ça se valait plus. Là. Fait que là, tous les lecteurs MP3 devaient marcher avec iTunes. Mais comme Apple veut pas faire ça, ils vont peut-être devoir se retirer du marché français au complet et plus avoir iTunes en France. Hey boy, puis Apple, on sait que ça marche en France. Ça marche. Ça, c'est comme pas leur intérêt de faire ça. Sauf non, quand... ouais. C'est une guerre qui finira jamais. T'sais. Non, vraiment pas. Mais bon, c'est faire. Mais tous ces coups-bas-là, moi, je le sais. Je le sais. C'est financé par Windows. Bill Gates. Par Windows. Pour mettre Mac à terre à genoux. Bon. C'est non, sûr. C'est ben oui. Très crédible. Très, très crédible. en bref, là-dessus, la dernière version de la barre d'outils de Yahoo pour Internet Explorer offre la navigation par onglets. Donc, c'est nouveau. La version américaine de la barre d'outils Yahoo offre des onglets dans Internet Explorer. Un peu comme la barre MSN fait, là. Parce qu'on sait que la prochaine version de Internet Explorer va avoir les onglets. En tout cas. Donc, si vous voulez l'essayer tout de suite, Yahoo, c'est le fun. On va essayer de pas y toucher. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Ouais. En Israël, un couple a été condamné à des peines de plusieurs années de prison et à une forte amende pour avoir créé et commercialisé un cheval de Troie. Un tribunal de Tel Aviv a condamné Michael Afrati à 4 années de prison pour avoir créé et vendu un cheval de Troie, un virus, un verre, ensuite utilisé à des fins malveillantes. Ruth Breer Afrati, son épouse et complice, passera quant à elle 2 ans derrière les barreaux. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le couple a été... C'est que le mari aurait programmé le cheval de Troie pour s'amuser, mais son épouse a vu une occasion d'affaires là-dedans et a décidé de le vendre à des investigateurs privés. Cette bestiole aurait ensuite été utilisée pour faire de l'espionnage industriel auprès de grandes entreprises israéliennes, notamment une agence de presse et une station de télévision. Le couple a été condamné à payer une amende de 2 millions de shekels. 2 millions de shekels! Tu crois ça? C'est environ 1,5 million de dollars canadiens. C'est ce que j'allais te demander, la conversion. Ouais, des shekels. J'aime ça. J'aime ça de faire payer en shekels. Je m'en souviens plus des shekels, ça date du primaire. J'ai la misère à cette heure. Hey, tantôt, on parlait hors onde de Nintendo 64, de choses qu'on l'avait encore tous à la vintage. Maison. Des vintage. Mm-hmm. Vintage represent. Oui, t'sais. Des Donc, moments du cœur. Dans la chronique sur l'écran de votre radio ici, ça a fait le tour de la planète. Des amis à moi me l'ont forwardé. Et à ce qui paraît que... Alors, moi, je l'ai vu, mais à ce qui paraît que c'est vraiment, vraiment... Hot. Ben ah, mais c'est hot, mais c'est vraiment populaire sur Internet. Ben, moi, je l'ai pas vu, fait que je vais pouvoir donner mes commentaires. On va le regarder ensemble avec commentaires simultanés, comme sur un DVD. Ah, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. C'est un enfant en train de déballer ses cadeaux à Noël. Aïe. Il reçoit un Nintendo 64 puis il est tellement excité. La petite fille aussi. Attends, il faut l'entendre crier. Ralenti. Il se met à flatter la boîte comme un chat, là. Check boy. Il va crier, là, c'est le meilleur bout. Cri de victoire. Yes! Yes! Yes! Tu es content, yes! ce petit gars-là? Yes! Je pense qu'il vient de faire son année à ce gars-là. Je comprends pas que les parents le calment pas, il va saigner du nez. Les yeux vont y sortir de la tête. Là, il ouvre un deuxième cadeau qu'il a reçu. T'sais. Il est pas aussi intéressant, ce cadeau-là. Fait qu'il fait « Ah, ben, c'est le fun, c'est cool. » Ouais, c'est drôle, hein? C'est camion, c'est, lié. C'est quand même, dans cette famille-là, les cadeaux, c'est un après l'autre. On l'attend pas, on niaise pas avec ça. Il n'y a pas de niaise avec ça. Voilà. Hey, il la fesse sa boîte. Dessus, ou encore, on ralentira. On dirait un ours. Mais sur le même service de vidéo, là, c'est quoi? YouTube. C'est YouTube. J'ai vu hier une vidéo, je vais te le forwarder. C'est genre les applications qu'on peut faire avec un écran tactile. C'est hallucinant, là, ce qu'il pouvait vraiment... Là, c'est vers là qu'on s'en va à un moment donné. Là, puis c'est vraiment, il ouvrait ses fenêtres. C'était vraiment hallucinant. Je t'enverrai ça. Tu m'enverras ça. D'ailleurs, ouais. Le lien vers cette vidéo-là pour le regarder tout de suite, si vous voulez, ou pendant la pause, n'importe quoi. Allez sur le cnx.cif.ca, le cnx.cif.ca ou cif.ca et cliquez sur la connexion en bas à droite. Vous pouvez nous téléphoner en studio en direct. Le numéro est le suivant. 376-5183. Ou le... C'est le même numéro de jeu. 376-5183. Faites pas le 375-5183, c'est Vidéothèque. Mon chum travaille là. Fait que l'autre jour, je l'ai appelé en studio. Mm-hmm. Je me suis remboursé chez Vidéothèque. C'est mon chum qui répond. Je fais comme... Yo! T'es où? Ben, j'étais à la job. J'sais, hein? Là, je comprenais plus, là. Ça marchait pas, là. Je pensais que j'appelais au studio pis qu'il était là sans moi. Une petite anecdote. C'est le fun. C'est le même numéro. Donc, 376-5183. Exact. Facile à retenir au bout. Et si vous voulez nous envoyer un courriel pour ceux qui sont tout droit sortis de 1998, l'adresse est le cifoufm@gmail.com, cifoufm@gmail.com. Et le reste, vous les connaissez les détails. Sinon, sur le site, sont tous là. Les numéros de téléphone sont là. Nos courriels sont là, quoi. Tu faisais-tu référence à l'homme de 96 qui écoute du Ace of Base dans South Park? Non, moi, je non. L'homme d'Encino, peut-être. C'est drôle, ça, avec Chose, puis Gugus, puis Brendan Fraser. Ouais, puis Pauly Shore. Pauly Shore, c'est lui que je cherche. Avec les cheveux frisés. Moi, j'avais trouvé ça plate à mort. Arrête donc. T'es pas un style. Tout le monde pensait que c'était hot. Non, mais c'était cucu. C'était le genre de film. Tout le monde tripait sur un film américain. Tout le monde aimait Pauly Shore. J'ai jamais compris, mais c'est pas grave. Pauly Shore, c'est comme Georges Lajeune, tu sais. On me fait penser à ça. Non, il était bon dans Mommy. Sais-tu qui d'autre est une vedette? Vas-y. Malajube, ton plat favori à la connexion. J'ai faim. Ah, moi aussi. Yeah. brancher vos bistouris, tu sais, à un moment donné. Trompe-l'œil. Trompe-l'œil est le nom de l'album, Malajub est le nom du groupe, et la pièce s'appelait Ton plat favori à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. À C'est fou 89 FM, mon nom est Mathieu Plante, le sien est Jesse Millette et l'autre Danny Janvier. Encore un peu de nouvelles, quitte à relaxer comme ça. Google. D'après les dernières statistiques américaines de Comscore, une firme spécialisée dans les mesures d'audience, Google a consolidé son avance sur ses plus proches concurrents Yahoo et MSN. Le mois dernier, Google a ainsi augmenté ses parts du marché américain de la recherche sur Internet, bondissant à 42,3%, alors que cette proportion s'établissait, selon la même source, à 36,3% en février 2005. Google avance et n'arrêtera jamais. Est-ce que Google va ne plus être à la mode un jour? Hein? Quoi? Je vous rappelle qu'on est juste à côté de la chasse-galerie ici à l'UQTR. Et que c'est le printemps. C'est le printemps. pas plus d'indices que ça. Vous comprenez? Venez nous voir à la chasse-galerie. Vous allez comprendre. Tu parles de Google vidéo? Non. Est-ce que dans tes rêves. Non, tu penses que Google va perdre... Est-ce que Google va devenir plus à la mode? Genre, est-ce qu'il va arrêter d'être à la mode Google un jour? Ben pas pour l'instant, là. Ils sont bien partis puis ça va bien. Mais c'est sûr que ça montera pas plus parce qu'ils peuvent pas monter plus que ça. Non, je pense que c'est au sommet. Oui, c'est clair. Ils ne peuvent que redescendre rendu là, je crois. Ben ils peuvent quand même rester là un bout, je pense, là, avant qu'il y ait quelqu'un qui offre un service du genre, puis avec surtout la méthode de pensée qu'on pourrait dire. Simpliste. C'est le plus simple possible, mais le plus efficace. Friendly au bout. Le plus gratuit. Utilisation, gratuit, c'est bon. C'est sûr que c'est des conditions gagnantes pour le net, là. Mm-hmm. C'est clair. Ouais. Un internaute a saisi temporairement lundi dernier le blog corporatif de Google, alors que la compagnie l'avait malencontreusement effacé. Trey Phillips, un jeune Texan, n'a pas piraté le blog, non. Il l'a seulement réenregistré à son nom dès qu'il a vu qu'il était disponible dans le service pour créer des blogs de Google, donc blogger.com. C'est que l'équipe de Google a, sans faire exprès, effacé son propre blog, donc le nom était disponible. Donc le gars l'a enregistré, il l'a swipé. Fort heureusement pour Google, le jeune Texan ne s'est pas servi du blog pour écrire des choses compromettantes pour la compagnie. Non, il a seulement spécifié qu'il était un étranger et que Google se devait de corriger l'erreur le plus vite possible. Dans le fond, c'est une bonne chose de l'avoir fait, de l'avoir enregistré, parce que sinon quelqu'un d'autre l'aurait pris et aurait pu faire quelque chose de mal et ne pas le relâcher après. Mais, évidemment, Google étant propriétaire de blogger.com, je pense qu'il aurait réussi. Il aurait dit gay. Regarde, tasse ton cul de là, on va se remettre à notre place. C'est ça. C'est peut-être plus poliment que ça. Je connais Google, ils sont très gentils. Ils sont vraiment sympathiques. Ils t'appellent souvent. Ouais, c'est ça. Ce à quoi Google a répondu une trentaine de minutes plus tard en reprenant le contrôle du blog tout en citant le personnage d'Homer, Do. Selon certains médias spécialisés, cette dérive de Google est surprenante puisque la compagnie est généralement assez prudente quant à ses opérations de mise à jour. Toutefois, une autre erreur survenue il y a quelques semaines s'est glissée sur le site web de la compagnie lorsque l'un des employés y a mis par mégarde les statistiques et les prévisions financières de Google pour la prochaine année. Ouf! Bon! Des photos de lui avec sa femme. C'est sûr. Samedi prochain, samedi qui s'en vient, samedi juste là, là. Ça va être le 30e anniversaire d'Apple, fondé en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak dans l'État de la Californie. Donc, allez voir l'article au complet qui décrit l'historique de Apple. Moi, ça fait une couple d'années, là, on voit un bar, là, puis un gros party comme au Super Bowl. Là. Ouais. Oh, ouais. Il y a un écran LCD, un gros écran HD, toute l'équipe, là. On parle le Mac, on boit de la bière aux pommes, on mange des pommes. De l'épiderme aux pommes. L'épiderme aux pommes, c'est très bon. Moi aussi. On va dire aux gens que Jesse, l'autre fois, c'est pas Jesse, c'est Julien, un de nos chroniqueurs ici, qui a par mégarde appelé l'éphémère aux pommes, il l'a appelé l'épiderme aux pommes. Ça m'avait fait bien rire, donc. J'aimais pas le gag. C'est ça, fallait le connaître pour pouvoir en rire. Fallait être là, fallait vraiment être là. 3 brevets récemment octroyés à Google. Encore une fois, Google se rapporte à une connexion Wi-Fi. Donc, une connexion haute vitesse, bon marché, gratuite, quelque chose de genre, qui pourrait être financée par l'affichage de messages publicitaires sur l'écran des ordinateurs. Donc, Google va se lancer dans le Wi-Fi, c'est ce qu'on comprend. Les 3 demandes ont été déposées au bureau des brevets américains et marques de commerce par des employés de Google les 14 et 15 septembre 2004. Le 16 mars 2006, les 3 brevets ont été accordés par l'organisme américain. Donc, ces 3 documents décrivent des méthodes et des systèmes permettant respectivement de fournir un accès sans fil à un coût réduit, de fournir des messages publicitaires basés sur des points d'accès sans fil et de modifier dynamiquement l'apparence des écrans de navigation sur l'appareil des clients. Donc, dans le cas de ce dernier brevet, le résumé précise qu'il s'applique à un client qui se connecte à un point d'accès sans fil et que la modification de l'apparence reflète la marque associée au fournisseur du point d'accès sans fil. Donc, encore une forme de publicité. Et l'obtention de ces 3 brevets vient raviver les rumeurs voulant que Google prépare un service d'accès Internet sans fil gratuit parce que financé par la publicité pour l'ensemble des États-Unis. Donc, ça pourrait être quelque chose de nouveau qui s'en viendrait. OK, ce que je parlais l'autre fois, là, qu'il va avoir un Internet comme gratuit pour la population, comme à basse vitesse, finalement. Là, avec des publicités, ouais. Ce serait que les gens pourraient se connecter via Wi-Fi sur Internet, donc sur leur portable, par exemple, et ce serait gratuit à cause qu'il y aurait de la publicité dedans. Exact. Ouais, moi, je suis pour. Ben, moi, je suis pour, parce que c'est un petit peu comme je parlais l'autre fois, le principe des oreilles de lapin. C'est quelqu'un que... pas vraiment un moyen d'avoir Internet, mais au moins, même s'il y a de la pub, tu sais, je veux dire, au moins, ça donne une chance. Tu peux aller chercher tes emails, tu peux quand même converser, aller chercher de l'info. Est-ce que, à votre avis, est-ce que ça marcherait, mettons, de la télé avec de la pub qui serait comme en thumbnail en bas de l'écran, qui pourrait vous permettre d'avoir la télé gratuitement des postes qu'il faudrait payer pour d'habitude? Pourquoi pas? Non, mais surtout qu'à ce temps, je trouve, avec Internet, moi, en tout cas, on peut vraiment faire abstraction de la publicité. Moi, je la vois pas. Moi non plus. Vraiment, là, tu me demanderais c'est quoi une pub sur les sites. Et moi, littéralement, je la vois plus parce que j'ai les blocs dans Firefox. c'est drôle. Mais tu sais, je dirais, comme Danny dit, moi, je vois plus la pub. Moi non plus, je check jamais ça. Puis, je suis influencé plus par une pub, par exemple, à la télé, que le gars, il parle, puis qu'il gueule, ben, vient à long terme. Après, là, ouais. Comme Molson, là, où, tu sais. Il grimpe le son dans le tapis, là, t'écoutes un film, pis hey! Pis là, malheureusement, tu vois une fille, genre, avec les seins mouillés, avec un gilet, un t-shirt mouillé. C'est plate, ça. Ça, c'est plate. Un X-Line. C'est genre, là. Ça te donne juste le goût de boire la Molson. Ben oui. Même si c'est pas bon, pis ça donne mal au ventre. Pas grave. D'aller à la chasse un jour de printemps. Pitcher ta bière sur une fille, là, pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Oh, quelque chose d'intéressant. Une claque dans le visage. Parlons un peu d'Apple, quelque chose qui m'a surpris cette semaine. Donc, une mise à jour logicielle pour l'iPod Nano et l'iPod de 5e génération permet de limiter le niveau sonore des appareils. Bon, on se rappelle, il y a quelques moments, il y avait une poursuite. Parce que je vais lire le reste de l'article pour vous dire ça. Les propriétaires d'iPod peuvent eux-mêmes réduire le volume sonore maximum de leur appareil, mais la mise à jour permet également aux parents de limiter le niveau de sortie du baladeur numérique de leur progéniture et de protéger cet ajustement par un mot de passe. Dans son communiqué, Apple invite ses utilisateurs à se documenter sur les pratiques d'écoute sécuritaire et fait vaguement référence à un accroissement de l'attention sur le sujet du volume sonore. Des études semblent avoir établi un lien entre l'intensité du son des lecteurs portables et les possibilités de perte d'audition précoce. Sur le site web d'Apple, sur le son et l'ouïe, on précise justement qu'une exposition à une pression sonore excessive pourrait entraîner des pertes auditives induites par le bruit. Les utilisateurs des iPods concernés, donc le iPod Nano et le iPod 5G, peuvent se rendre sur le site web d'Apple pour télécharger cette mise à jour qui permet de limiter le volume sonore et corrige quelques bugs en prime. C'est qu'il y a quelques mois, si je me rappelle bien, il y avait quelqu'un qui avait poursuivi Apple parce que ça avait causé des problèmes d'ouïe parce que le volume allait trop fort. Il saignait des oreilles. C'est ça. C'est baisse-les, Calis. C'est ça que je trouve ridicule un peu. C'est tant mieux qu'Apple offre le service, là, sauf que je veux dire... regarde, là. C'est prendre tout le temps le monde main. Moi, je vais actionner Toshiba parce que je regarde mon écran de trop proche. Je suis en train de me défaire la vue. Ou la compagnie qui... Non, c'est ça, à cette heure, c'est parce qu'on est dans une époque où ce que tout le monde faut qu'il se fasse prendre par la main. Tout le monde traîne, tout faut le monde. Faut toujours que tu sois en plastique et une bulle autour de chaque personne. Faut toujours qu'il y ait un mode d'emploi pour que la personne la plus idiote puisse se servir d'un objet aussi simple qu'une clé attelée, tu sais. Veuillez l'accrocher après votre sangle de pantalon ou votre ceinture, tu sais. Merci de l'information. Ouais, une chance qu'il t'ait long dit, ça. Enfin. Exact. Ah, mais tu sais, je dis, c'est bien juste une peine de laisse pour marquer. Veuillez ouvrir. Ben, c'est marqué qu'on va l'ouvrir. C'est marqué qu'on va l'ouvrir. Hein. Ensuite, consommer. Ouvrir la bouche, laisser introduire le liquide. Boire avant la date. Ne pas respirer en buvant. Oh! Ne pas oublier d'avaler parce que sinon ça reste dans la bouche. Ça, moi, je dis, ne pas oublier d'avaler. Ah ouais. C'est sûr que ne pas inhaler sur une pinte de lait, je pognerais de quoi, tu sais. Ouais. Bon, je pense que t'es mieux de repartir avec tes nouvelles. Je pense que je serais mieux de... Ouais, je vais vous laisser faire. On va être sage. Bon, c'est comme vous voulez. C'est le printemps. On va aller écouter une pièce d'Andy Warhols. Smoke It, Ready With It. Qui était une pièce qui était sur le palmarès de C'est Fou il y a quelques mois. On la ressort comme ça parce qu'on l'aime bien. De Andy Warhols à la collection. People. Do you get? Yeah, there is people. exceptions and brothers, mothers, and sisters, other mothers, other brothers, sisters, mothers. Anyone who's here. The Dandy Warhols, Smoke It, à la connexion Assez Fou 89.1 FM. C'est la fin de la première heure, on se quitte. Mais ensuite, après les nouvelles, évidemment, on revient avec une deuxième heure remplie de bonnes choses. On se quitte pour la fin de la première heure avec No Sleep, Her Laser Light Eyes, qui est la suite de la série En Concert de la semaine passée. 8-Bit, qui est un groupe qui font de la musique qui ressemble à du jeu vidéo. Très, très intéressant. Allez voir le site web 8bitpeoples.com pour plus d'informations. On écoute la pièce Her Laser Light Eyes et on revient juste après à la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo. Là, c'est Fou 89 FM. Deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, Danny Janvier à mes côtés comme toujours. Bonjour. Bonjour. On commence la deuxième heure tout de suite en musique. Et au retour, on parle de jeux rétro. Voici Paul Amarani et les Nouveaux Mariés à C'est Fou 89.1 FM. La chaleur canon se recrute sous tous les ciels où il fait peur. Partout, où tout le monde, jusqu'à l'espoir même. Chaud, on leur fait miroiter une grande carrière déjà toute faite. Les front page, les médailles, comme on le fait aux starlets. On les brainwash pour aller tuer des plus mal pris qu'eux. Soit disant pour leur patrie, et non pour de vieux milliardaires cyniques sous leur sang et pétrole et qui dans leurs églises prient moins qu'ils rigolent. Les marionnettes, la big business, à coups de mitraillettes. abrité par leur omniprésence dans les médias. Les front pages, les médailles, comme on le fait aux soldats. On les convainc, on les aime pour la Et non, partout sont de petites foules aux Partout où l'on confond, couverture médiatique et talent. Les clones de Trash TV font au front en chantant. Les marionnettes, la big business, qui leur dans chansonnette, célèbre l'avènement du règne de la bullshit. Quand face aux charniers, ils s'étonnent de la haine, des pleurs, des cris de cette réalité inhumaine. Ils se demandent où sont passés leur jeunesse, leur espoir, la grande cause. Suis-je victime d'une grande arnaque? Et la question qu'ils se posent, est-ce à la morale ou même à mon pays que j'obéis ou à des criminels? Profite les profits. Je suis devenu une machine à tuer. Et aucune médaille ne me rendra ni mon âme, ni ma santé. Les marionnettes, la big business, sont obsolètes quand tu gênes leur fric. Ils ont remplacé leurs chansons préfabriquées, sont oubliées. Ils se demandent où sont passées leur jeunesse, leur rêve d'être artiste. Je suis victime d'une grande arnaque. Et la question que je te pose quand tu réfléchis, est-ce mon talent, ma personnalité qui m'ont propulsé ici, ou des kings du marketing affamés de profit? The wannabe has been, tout s'est passé si vite. J'aurais été une vedette, mais j'aurais voulu être un artiste. Les bye bye. Bonjour. Paul Amaranier, les nouveaux mariés avec la pièce Guerre Académie. Ici à la connexion, on parle technologie informatique, jeux vidéo. Et ouais. C'est l'heure de continuer les nouvelles avec Dan Janvier à mes côtés pour commenter. Et moi, Mathieu Plante. Et c'est la Isabelle Maréchal de la connexion, Dani. Ben, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir me mettre à faire des critiques. Là, j'attends la pour la réparation de mon PlayStation. C'est vrai, j'étais trop souvent assis dessus ici en studio. Donc, je l'ai, avec le poids, mon surplus de poids, ça l'a écrasé. Ça l'a écrasé. Et on attend encore les commandites aussi. Donc, si vous bien sûr. Si vous voulez commencer l'émission, 376-5183 tout de suite. OK. Ben, si vous voulez même nous donner de l'argent, parce qu'on est fin. On prend les chèques on de prend voyage. On les prend dons de charité. On prend tout. On est vraiment... on est polyvalent, on se comprend. Selon l'éditeur en chef de la section Revolution et GameCube de IGN, le site web connu de jeux vidéo, plusieurs jeux de la compagnie Rareware ne seront pas disponibles sur la plateforme Virtual Console de la Revolution. C'est que la Revolution, qui est la prochaine console de Nintendo, va jouer des jeux des précédentes consoles, NES, Super NES, Nintendo 64. Et Rare, la compagnie Rare, c'est eux qui font Jet Force Gemini, Perfect Dark, Battletoads, Banjo-Kazoo, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, Mickey Speedway USA, Killer Instinct et Blast Corps. Ils faisaient 007 aussi, James Bond, qui est un classique sur 64. C'est un des plus importants et ça se pourrait très bien qu'il ne soit pas sur la Revolution. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que la série Donkey Kong Country, c'était mon plus grand souci en lisant cette nouvelle-là. C'était eux qui faisaient Rareware. C'était eux qui faisaient... C'est dur à dire. Qui ont développé le jeu, mais c'est la propriété de Nintendo. Donc, Nintendo vont pouvoir les éditer parce que c'est eux qui étaient propriétaires de la série. Mais bon, des jeux comme James Bond, ça se pourrait très bien qu'ils ne se retrouvent pas sur la console virtuelle. Ce qui serait très, très décevant parce qu'on sait que James Bond, ça a été un classique. C'est probablement le jeu le plus joué de l'histoire de la 64, là, après Mario 64. Tout le monde voulait jouer à ça. On jouait à ça des veillées, des nuits de temps entre amis. Maudit. On pouvait plugger 4 manettes, c'était hallucinant. C'était nouveau, le principe des 4 manettes. Ouais. Mais moi, c'était pas mon genre de jeu, là, du tout. Ouais, je sais bien. On sait bien. Moi, c'était mon genre de jeu. Plus rapidement ici, un jeu PC basé sur la série Beauté Désespérée de Radio-Canada. Oh, excellente série. La série Desperate Housewives. Il va s'agir d'un jeu à la simulation un petit peu Sims, où le joueur va contrôler une femme au foyer nouvellement déménagée à Wisteria Lane. Des scandales sont évidemment à prévoir dans le voisinage qui semble parfait. Ça va être développé par Liquid Entertainment, qui ont fait Dragon's Heart, Desperate Housewives, c'est prévu pour l'automne prochain et pour les inconditionnels de la série télévisée. La femme qui joue Mary Alice Young en anglais va être la narratrice du jeu. Oh, c'est bien. Peut-être qu'il va y avoir une version québécoise avec vis caché. Peut-être. Et là, elle va se faire retirer les ondes par TVA. C'est dommage que TVA... Ils ont retiré ça. Ça reviendra pas. Ben, c'était trop hard. Non, trop cher. Non. Ah, trop cher à produire. Ouais. C'est ça, quand on a des produits de qualité, on les garde pas. Et voilà. Pourquoi à la place, pas juste enlever le budget ou faire moins d'épisodes? Mais non, TVA, c'est comme ça. Enfin, section commentaires. Oh oui. Sega a annoncé qu'ils vont permettre aux propriétaires de la Revolution de télécharger des classiques de NES, de Super NES et de Mega Drive via le service en ligne de Nintendo. Donc, tous les jeux de Sega vont être disponibles. La compagnie a confirmé que pas moins de 1000 de ces classiques du Mega Drive vont être compatibles avec la console. La compagnie Hudson Soft, de son côté, a annoncé qu'elle rendra aussi disponibles plusieurs de ces classiques provenant de la console TurboGrafx. On a parlé un petit peu de ça la semaine dernière. Et via le service en ligne de Nintendo. La TurboGrafx, qui était développée en collaboration avec la compagnie NEC, est peu connue en Amérique du Nord, mais les jeux parus sur cette dernière vont évidemment être plus populaires même que la Revolution soit lancée. C'est une phrase, ça? C'était difficile, ça. C'était pas mal difficile, vraiment difficile. Mais je me rappelle que mon cousin... Pas trop compris, mais bon. Non, c'est ça. Mais c'est que les classiques de la TurboGrafx vont être sur Revolution. Mon cousin avait une TurboGrafx, puis je trouvais ça cool. Il y avait des petites cartes, genre de crédit que t'essayais. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ça, hein, des TurboGrafx. Non, c'est classique, ouais. Mais pas ici. Au cours de la Game Developers Conference 2006, Nintendo a levé le voile sur le premier jeu de la série The Legend of Zelda pour Nintendo DS. Connu sous le nom de The Legend of Zelda Phantom Hourglass, ce jeu devrait apporter de nombreuses innovations à la série Zelda grâce aux possibilités de la DS. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir au look du jeu sur la GameCube. Wind Waker. OK. Des jeux faits avec du cel shading. Ah, le superbe self-shading. Le retour du des fois qu'il est bien employé, c'est intéressant. Sinon, ouf. Ouais. Le jeu devrait prendre davantage de l'écran tactile de la console portable en vous permettant, entre autres, de tracer des sabliers pour ouvrir des portes ainsi que des parcours en mer pour votre bateau, en plus de vous permettre d'y inscrire des chiffres. L'écran tactile devrait également servir afin de diriger le boomerang de Link. Donc, le jeu est en self-shading, comme je disais, un petit peu comme dans Wind Waker, avec des petites touches de Four Swords sur Game Boy Advance. Les personnages vont donc être très très gros à l'écran. T'sais, ils vont être gros par rapport au paysage. En tout cas, le nouveau Zelda sur DS. Fascinant. La plupart des jeux offerts sur la Xbox 360, on le sait, coûtent au-delà de 60$ US. Par exemple, qu'est-ce qui est le fun, là, ça, c'est que ça l'a fait descendre les jeux des autres consoles. La Xbox originale? La Xbox ou de la PlayStation. Tous les jeux même qui sortent maintenant, souvent, sont à 49 à peu près. Donc, ça, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien. Là, on paye cher les jeux de nouvelle génération. Mais là, vu qu'on est rendu dépassé avec nos PlayStation, nos Xbox normales, eh bien, ça coûte un peu moins cher. Ça, je trouve ça le fun. Là. Bon, mais ça empêche en même temps les fans de Xbox 360 de s'en acheter, à moins qu'ils veuillent vraiment pouvoir si t'as payé 500$ pour un kit, t'es capable de te payer 60$ pour un jeu. Ça, c'est très, très bon. Il semblerait que ça sera pas le cas, par contre, pour la Revolution. Parce que le président de Nintendo a dit que les jeux allaient être disponibles au même prix que ceux de la GameCube. Très, très bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, Satoru Iwata, le président de Nintendo, a déclaré qu'il ne peut imaginer qu'un jeu distribué par Nintendo sur la Revolution coûtera plus de 50$ américains. De plus, Iwata a affirmé que le prix actuel des jeux de la nouvelle génération sera probablement pas accepté longtemps par les consommateurs. Le prix actuel des jeux peut être toléré pour des jeux de grande qualité, mais pas pour tous les jeux, selon Iwata. Par ailleurs, Nintendo répondra aux inquiétudes vis-à-vis la capacité de stockage de la Revolution au cours du prochain E3. La console viendra avec 512 MB de mémoire flash à l'interne, laissant peu d'espace de mémoire pour télécharger des jeux du NES, du Super NES et du Nintendo 64 via le futur service en ligne de Nintendo. Par contre, Iwata a déclaré que des fentes pour des cartes mémoire SD seront présentées sur la console, tout comme plusieurs ports USB. Donc, une panoplie de méthodes pour augmenter la capacité de mémoire de la Revolution pourront être développées. Et on va en apprendre plus, évidemment, à la E3 2006 qui se passe à Los Angeles plus tard cet été. Ah, mais c'est bien. S'il y a des fentes et des plugs USB, un pire disque dur, carte SD, ça va quand même bien. Disque dur USB 2.0, ça pourrait être pratique. Ouais, c'est ça, va très bien. Je veux dire, c'est rapide. C'est assez rapide pour faire ce genre de choses-là. De toute façon, les jeux sont pas... Ils prennent pas plusieurs... Ils prennent quelques gigs, j'imagine, dans ces coins-là. Je sais pas comment ça pèse, mais bon. Peu importe. Les joueurs australiens peuvent être soulagés. Ah, ça nous intéresse tellement, le public australien. C'est donc plus de 4 mois après la sortie de la Xbox 360 aux États-Unis qu'ils ont pu enfin mettre la main sur la nouvelle console de Microsoft en Australie. Et on peut dire que l'attente a été très très récompensée, puisque la console a réalisé le meilleur départ pour une console de jeux vidéo en Australie en se vendant à plus de 30 000 exemplaires en 4 jours à compter de la date de la sortie, le 23 mars dernier. Donc la Xbox 360 devance la PlayStation portable de Sony, qui s'est écoulée à 27 000 unités lors de sa sortie en Australie, dans le même laps de temps. Ce pays aura donc été le premier pays, le dernier pays anglophone à être fourni en Xbox 360. Et c'est ça. Ben, on pourrait demander aux auditeurs australiens qui ont acheté une Xbox de nous appeler en studio ici. 819, parce qu'on est mieux de donner le code régional. Mm-hmm. 819-376-5183, on pourrait parler de Xbox. Il faudrait donner le code de pays aussi. Okay. Le 1. C'est le 1. Ouais. Et aussi, faites attention parce que là, eux autres, c'est l'hiver qui commence. Ah, puis ça doit être la nuit en ce moment. C'est la nuit, puis là, ça va être l'hiver qui va commencer. C'est full bizarre. Mais donc, salut à vous, peuple australien. Alors que, bon, la semaine passée, on avait eu une nouvelle semi-exclusive pendant l'émission, scoop, disant que le nouveau nom de la Revolution allait peut-être être révélé pendant l'émission. Go, là? Go. Nintendo Go. Là, on avait annoncé que ça serait Nintendo Go ou que ça pourrait l'être, ou on savait pas si c'était des rumeurs ou si Game c'était un online, faux. Game, ouais, exactement. C'est ça. C'était pas mal bon. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que en fin du compte, c'est un fake. C'est un faux. C'est quelqu'un, un arnaqueur. C'était pas évident du tout. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a pris le logo d'un éditeur de page web qui s'appelle Namo Web Editor 5 et il a pris le logo et il l'a mis d'un angle différent, ce qui a donné un logo qui ressemblait au cube de GameCube, ce qui donnait l'ambiance Nintendo Go. Ce qui donnait la crédibilité à la chose. La crédibilité. Même la langue, il y avait du texte écrit en japonais à côté du logo. En fait, c'était du vrai texte japonais qui avait du sens. Donc, le gars, il devait être un japonais, le gars qui l'a fait, le logo. En tout cas, donc, le nouveau nom de la Revolution, c'est quoi? C'est Nintendo Revolution. C'est ce que ça dit pour l'instant. Peut-être qu'à l'E3 2006, ça va changer, mais pour l'instant, Nintendo Go, c'est pas vrai du tout. Un article publié dans Business Week affirme que Microsoft aurait décidé de prendre une décision radicale en ce qui concerne l'intégration du navigateur web Internet Explorer 7 dans Windows Vista. Plus de 10 ans après avoir intégré IE au cœur du système Windows 95, Microsoft aurait finalement décidé d'écouter les spécialistes en sécurité et ils ne l'intégreront pas, Explorer 7, du tout dans Windows Vista. Tu ne seras même pas là. Pas. Hey, mais ça, c'est la meilleure nouvelle du monde. Ben oui, c'est vrai. Sérieusement. Donc, une intégration moins poussée d'Internet Explorer dans Windows Vista pourrait aussi faciliter la désinstallation du navigateur. Pour le moment, il y a ce que ça dit ici, je vais le relire parce que je crois qu'on a raté un petit bout ici. Microsoft aurait finalement décidé d'écouter les spécialistes. Ils vont réduire l'intégration d'Internet Explorer. J'ai bien de la misère avec le mot Internet Explorer, sérieusement. C'est pas grave. Donc, ils vont réduire l'intégration dans Windows et ce, afin de réduire le nombre de failles de sécurité exploitables de leur impact. À l'heure où Microsoft souhaite tout particulièrement renforcer la sécurité de ses logiciels, cette demande répétée aurait finalement été entendue. Une intégration moins poussée d'Explorer dans Windows Vista pourrait aussi faciliter la désinstallation du navigateur. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il va être installé, mais de façon très, très réduite. Plus facile à enlever. Pour le moment, il est impossible de faire disparaître complètement Explorer des systèmes Windows XP. Reste à savoir si Microsoft va mettre en place une procédure simple pour autoriser une désinstallation complète du navigateur dans Windows Vista. Là, je viens de lire l'article au complet et je comprends pas en tout ce qui va se passer. Ben, il y a trois affaires différentes. Là. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, tu peux jamais le désinstaller, Explorer, parce que t'as beau effacer, tu t'en vas dans ta chose et ça marche. Là, moi, je dis qu'il va y avoir une façon de le désinstaller, tout simplement, mais il va être moins pris dedans, là, parce qu'on dirait qu'Explorer puis les fenêtres de Windows, c'est la même affaire, la même interface. C'est tout pogné ensemble. Ok, non, c'est parce que je disais au début de l'article, ça disait qu'il prendrait une décision radicale. Ouais, au début, il l'enlevait, tu sais, Là, après ça, ça disait que cette demande aurait été entendue, une intégration moins poussée. Là, après ça, ça disait qu'il serait facile à désinstaller. Puis là, après ça, il demande à la fin, espérons que le système pourra être autorisé à désinstaller. Ben, moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est assez ambigu, là, le truc. Mais le titre parle bien, c'est qu'il ne sera pas au cœur de Vista. En ce moment, il est au cœur de XP ou de Windows. Donc, Windows est basé sur Explorer tellement que toutes les fenêtres, c'est des c'est Explorer. C'est pareil, exactement. Tu as juste écrit ton adresse Internet, puis ça marche, c'est bizarre. Ça m'énerve un peu. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait juste changé le principe, puis que les Explorer, Windows Explorer serait indépendant d'Internet Explorer, puis tu pourrais facilement désinstaller l'Explorer d'Internet. Exactement. C'est bon. Ben, en tout cas, c'est ce que je comprends. Moi aussi. Inphase a fait la démonstration et a annoncé un nouveau record de densité pour l'enregistrement des données sur des médias optiques grâce à la technologie du stockage holographique. La firme annonce avoir réussi à atteindre une densité de 64,3 gigaoctets par pouce carré, de quoi créer un disque de 12 cm capable de stocker 500 gigs de données. Je vais sauter plus loin dans l'article. Ça dit que ces solutions sont toutefois réservées aux professionnels puisque les graveurs holographiques vont être proposés aux alentours de 8000 à 10000 $ alors que les médias de 300 gigs sont prévus aux alentours de 100 $ chacun. Le grand public devra donc se contenter du Blu-ray et de l'HD DVD qui seront des formats coûteux aussi mais plus abordables que le disque holographique. Mais 500 gigs sur un seul disque, c'est un fantasme, ça, pour la plupart des gens. C'est tout ce qui, totalement, mais ce qu'ils disent, dans le fond, c'est juste d'attendre, parce qu'à un moment donné, ça va nous arriver dans nos maisons. Ça va être comme des disquettes, là, ça va se vendre une pièce chaque. Ben, c'est ça. Ça. Il y a le DVD, avant, un graveur DVD, c'était pas achetable. Blaster, ben, c'est 100 pièces. Même les graveurs DVD pour la télé, là, les petites boîtes que tu mets dans ton salon pour enregistrer des DVD. 2, 3 000, 4 000, 5 000 pièces, là, c'est rendu quelques centaines de dollars. Donc, c'est juste d'attendre un peu, d'être patient, puis on va avoir de la place en masse pour mettre tout ce qu'on veut. Ah, on est patient, nous. Oui. On aime ça. Quelque chose d'intéressant cette semaine, à partir du 10 avril prochain, certains Anglais vont pouvoir télécharger à partir de leur ordinateur le film King Kong de Peter Jackson via un nouveau service proposé par Universal. Le service en question va proposer des films à télécharger le même jour que la sortie DVD des longs métrages. Il était vraiment, vraiment temps que ça arrive, ça. Que les films sortent sur DVD et sur téléchargement en même temps. Les gens proposaient avant, ce que les gens disaient, c'est qu'ils aimeraient ça que les DVD sortent le même jour que la sortie au cinéma. Pas très réaliste. Ben là, c'est parce que c'est pas cool, là. Non, puis les cinémas se font des tonnes d'argent avec le popcorn, là, Mais je veux dire, puis aller voir un film, c'est un événement dans le sens, quand t'attends un film, tu vas le voir sur grand écran avec le son, puis ça vaut la peine. Quand tu le regardes sur DVD, c'est que tu t'en fous, tu vas le louer comme ça, parce que tu voulais pas le voir au cinéma. Non, mais tu voulais pas le voir au cinéma. T'attendais, c'était pas important pour toi. Exactement. C'est juste un petit divertissement de fin de soirée. Ouais. Donc, les utilisateurs du service vont pouvoir profiter du film de trois façons. Donc, ce qu'on va te proposer, c'est deux fichiers protégés. Un pour le PC de bureau, l'autre pour le PC portable. Ça va être proposé en téléchargement. Et après le téléchargement, l'utilisateur va recevoir par la poste une copie du film au format DVD. Très bonne idée. Pour le lancement du service, plus de 35 titres vont être proposés dans le catalogue. Les tarifs de vente sont de $17.50 pour un film ancien et jusqu'à $35 pour un film récent, dollars américains évidemment. Le téléchargement des fichiers devrait prendre entre 40 minutes et 1 heure avec une connexion haut débit. Si le service devient populaire, les 6500 films du catalogue de Universal pourraient être disponibles au téléchargement. Les services de ce type pourraient s'étendre prochainement au reste de l'Europe. Donc, je crois que là, présentement, c'est seulement en Angleterre, quelque chose de genre. Plusieurs rumeurs indiquent d'ailleurs qu'Amazon pourrait aussi se lancer dans l'aventure. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est bien des Anglais. Donc, c'est en Angleterre que ça se passe présentement chez Universal. Mais très bonne idée. Mais le film, il est sorti, là, ce moment-là. King Kong sort sur DVD cette semaine. Non, mais il est sorti. Il est sorti déjà, moi. Il est sorti, je l'ai vu, je suis sûr. Mais c'est qu'en Europe, il sort le 10 avril. Ça doit être ça. Ah, c'est cela. Ça doit être pour ça. J'imagine. Ils sont en retard. Ils sont toujours en retard sur tout, eux autres. On va aller en publicité, Dan. On va aller en publicité et on va aller juste avant de faire la pub, évidemment. Il faut faire le top 5 des mots-clés les plus recherchés sur notre favori, notre site web préféré sur tout l'interweb, c'est-à-dire Sympatico MSN Canada en français. Pourquoi? Parce que c'est ridicule et on veut vous faire réaliser que c'est ridicule. Chance, tu l'as dit parce que les gens nous auraient pris pour des épées. C'est vrai, ils vont penser qu'on invente les mots qu'il y a dans le top, mais non, c'est vraiment le top 5. Selon le site, c'est marqué Recherche populaire, notre top 5 des mots-clés. OK? Ça se pourrait, moi, en tout cas, il n'y a pas de détails, mais ça se pourrait que ce soit MSN qui choisisse eux-mêmes le top 5. Là, c'est marqué notre top 5. On sait pas. Oh. Mais bon, mystère là-dessus. En cinquième position, on retrouve Eminem. En quatrième, Kevin Federline. En troisième, Naomi Watts. En deuxième, Cancun. Et le mot-clé le plus recherché est Misha Barton, la vedette de la série The OC. Okay. Ou encore, en français, c'est Beach quelque chose. Okay. C'est la série plus. Ok. Mais il y avait à peu près juste Cancun que je connaissais dans ton top. Et ouais, gentil Cancun. C'est pas mal sympathique. On revient à la connexion à CFU 89 FM. Bon retour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Danny Janvier et moi-même Mathieu Plante, ici sur CFU 89.1, votre radio, la radio que vous aimez. La radio des mélomanes. La radio des mélomanes. La seule radio qui est bonne en Mauricie. C'est de même, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas faire grand-chose contre ça, c'est de même. Ok, donc, commençons. C'est vrai, ça. C'est pas des jokes, franchement. On va y aller avec les nouveautés de la semaine. Quand même une belle semaine, avec l'arrivée de jeux comme Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2, etc., etc. On va y aller en ordre. On commence par les plateformes multiples, les jeux qui sortent sur plusieurs consoles en même temps. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les catégories de chaque jeu, mais c'est pas grave, on va se comprendre quand même. Sur PlayStation 2 et Xbox 360, Dynasty Warriors 5 Empire. Mm-hmm. Full Spectrum Warrior 10 Hammers sur PlayStation 2, Xbox et PC, et Warpath sur Xbox et PC. À date, bof. Lève pas. Sur PC, American Conquest Divided Nation, Call of Tutu, Dark Corners of the Earth, c'est C-T-H-U-L-H-U, Shushutu. Okay. C'est fun. Ensuite, Daemonica et Space Rangers 2, Rise of the Dominators. Sur PlayStation 2, Kingdom Hearts 2, Beatmania et Ghost Recon Advanced Warfighter. Ça, par exemple, ça frappe pas mal plus que les autres. Hein. Sur Xbox 360, Far Cry Instincts Predator et Rumble Roses 20 Konami Digital Entertainment. J'allais continuer le nom, mais bon. Sur Xbox, non, ça c'est... Oui, sur Xbox, Far Cry Instincts Evolution et Painkiller L Wars. Sur GameCube, Harvest Moon Magical Melody et sur PSP, Untold Legends The Warrior's Code. J'aime ça, ça, Harvest Moon. Ça fait longtemps que je vois ça, puis j'ai jamais... C'est un jeu de construction. Quoi? C'est quoi? C'est-tu des affaires de ferme ou je sais pas quoi? Ah oui, ben c'est ça. Je l'ai vu souvent à la pochette, puis je me demandais toujours c'est quoi. Il est sorti sur tellement de consoles, ce jeu-là. Okay. Mais non, j'ai jamais joué, en fait. OK. Mais peut-être que ce serait mon genre de jeu, je sais pas. Peut-être. Ça avait l'air gentil, en tout cas. Ouais, ça a l'air plus... Ben, je connais rien à ça. Peut-être que j'ai tort complètement, mais en le regardant, ça a l'air d'un jeu de rôle. OK. Mais c'est sûrement pas ça. Faudrait qu'on me renseigne là-dessus. Faudrait que j'essaye le jeu. Enfin bon. On s'en va en musique, on va écouter un petit peu de Navet Confit avec la pièce Sous la table. Vous écoutez La Connexion par Technologie Informatique et Jeux Vidéo sur CIF 89.1 FM. Damn. Damn. Damn. Dash.com. Avalé les fourmis, crucifié Jésus-Christ, vomi le pâté, reçué, regardé, coloré les fleurs, agité les sœurs, bu l'eau, oh, coupe l'eau. Ça de même, mais c'est cool. C'est sûr que c'est ça. Un navet confit, tu sais. Mm. Tu peux pas manquer avec navet confit avec bon la pièce sous la table. Navet confit. Mais oui, j'adore les navets. Confit. Surtout. OK, donc vous êtes à La Connexion par Technologie Informatique et Jeux Vidéo avec Danny Janvier et moi-même Mathieu Plante. C'est l'heure de parler de quelques affaires que j'ai trouvées de cool sur Internet cette semaine. On commence par Zelda Pac-Man. Ou si vous voulez, vous pouvez l'appeler Pacelda ou Zelda Man. C'est comme vous voulez. J'aime ça. C'est un jeu de Pac-Man, mais avec les personnages de Zelda. Donc, le jeu s'appelle Zelda The Collecting of Pills par Frog Closet. Donc, quand tu ouvres le jeu, tu fais play, évidemment, c'est comme normal, ça veut dire jouer en français. Pour ça vrai? Dit prépa, oui. Ouais. Quoi qu'on en pense. Get Ready. Et là, on... l'idée, c'est que tu contrôles évidemment Link, qui est en, étant le nom du personnage et non pas Zelda. Je me suis trompé l'autre fois en le disant. Je sais que Zelda, c'est la princesse, je suis pas épaisse. Donc ici, les grosses pilules sont remplacées par des cœurs. Et les fantômes, dans le fond, c'est pas mal. Ils ressemblent à des fantômes, dans le fond. Ils n'ont pas vraiment changé, les fantômes. Mais bon, le décor est super beau. C'est vraiment très, très bien fait. Puis les contrôles vont très bien aussi. Il n'y a pas de... les boutons stick pas, là. C'est vraiment... quand tu tournes à droite, ça tourne à droite. Quand tu payes un fantôme, puis quand tu te fais tuer, tu meurs vraiment. C'est comme tu viens de voir. Et tu tombes en bas de je sais pas quoi. Comme dans le vrai Zelda, tu sais, quand tu meurs, tu sais. C'est vrai que tu meurs dans Zelda, mais il n'y a pas de feu pour te rattraper, par exemple. Ça, c'est triste. Mmh. Mais bon. Le jeu, c'est au donepixel.com. C'est Zelda The Collecting of Pills. Magnifique. Ici, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je vais baisser le fond et je vais vous faire écouter. Ça s'appelle WBMR, Boom Mansion Radio. C'est en gros une station de radio un petit peu à la Shoutcast. J'imagine que c'est sûrement une station Shoutcast. Donc, tu prends l'adresse qu'ils te donnent sur le site, tu la copie-colles dans Winamp. Et c'est des musiques originales et remixées de Mario. Donc, t'as des jeux comme comme Paper Mario, Luigi's Mansion, Donkey Kong, parce que Mario était dans Donkey Kong, évidemment. Mario Party, toute la série des Mario Party, Yoshi's Story, tous les jeux de Mario sont là avec... bon, évidemment, là, il y a beaucoup de monde qui y vont parce que je suis en train d'en parler, donc évidemment... là, ça lag. C'est en train de laguer. Mais non, c'est que souvent, il y a du buffering, mais bon, ça doit dépendre du nombre de gens qu'il y a dessus. C'est quand même un nouveau... je crois que c'est un nouveau service. La radio est en ligne du lundi au vendredi de... ça dit que le gars, ça se pourrait qu'il soit pas là à l'extérieur de 16h et 22h, mais je crois que ça marche quand même la plupart du temps. La preuve, c'est que ça marche en ce moment, puis il est seulement à midi 42, tu sais. Fait que ça marche. Allez voir WBMR, Boom Mansion Radio, si vous adorez la musique de Mario et vous pouvez pas vivre sans cette musique-là. Donc, des chansons classiques et remixées 24h sur 24, 7 jours sur 7, un stream audio qui permet seulement à un certain nombre de personnes à la fois d'y aller, mais en tout cas... allez voir, c'est magnifique, c'est génial. Moi, j'aime bien gros ça. OK? On avait parlé il y a quelques mois de Opera, le furteur web, qui allait s'installer sur la console Nintendo DS. Donc, que Opera allait sortir ça. OK? Et là, apparemment, que ça va vraiment sortir. Ça a été confirmé. Ça va sortir sur Nintendo DS vers, je crois que c'est en décembre. Je m'en rappelle pas exactement du mois, mais ça a été confirmé. Parlant d'Opera, une nouvelle version bêta du navigateur est disponible au téléchargement. Présentement, la version d'Opera 9 passe avec succès le test ACID 2, contrairement à Firefox et Explorer qui ne passent pas ce test-là, test de codage. Donc Opera, moi je l'aime bien, excepté que Gmail marche pas dedans ou marche pas très bien. Donc c'est pour ça que je suis encore avec Firefox. Mais c'est déjà d'avoir changé avec Firefox, déjà un grand pas. Ouais, exactement. Toi. Moi je pourrais pas changer. Non. Là, je l'aime Firefox, puis ça va bien. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. C'est dommage que tu n'utilises pas d'extension. C'est tellement ça sauve la vie. Ah, mais ça me sert à rien. Non, je sais bien, mais c'est le fun en moi. Et en tout cas, Opera, bon furteur. Beaucoup. Alors, les fans d'Opera sont un petit peu snobinaires, comme on dit. Ils vont dire genre Firefox, qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est de la merde. Faut que tu ailles sur Opera. Firefox, c'est même pas un vrai furteur. Ils sont vraiment snob, les gens d'Opera. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est un bon furteur, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire côté les pages qui ne s'affichent pas dedans. Qui s'affichent très très mal. Ou c'est tout ça, croche. Exactement. Il est peut-être trop safe. T'sais. Ah, peut-être trop safe. C'est exactement ça. On continue avec Palm qui fête ses 10 ans d'existence. Donc, les ordinateurs de poche ou PDA Palm fêtent cette semaine leur 10 ans d'existence. Au mois de mars 96, Palm lançait son premier ordinateur de poche, le Palm Pilot 1000, accompagné de la technologie de reconnaissance de caractère graffiti. Le produit fut couronné de succès tant auprès des professionnels que des particuliers. Après plusieurs années de développement, la firme a fini par rencontrer des problèmes face à la concurrence et à la montée en puissance des smartphones basés sur Windows Mobile et Symbian. Évidemment, Microsoft s'est mis là-dedans, donc Palm a eu de la misère à avancer. Le lancement du trio, le PDA Smartphone, permet cependant à Palm de refaire surface. Et jusqu'à aujourd'hui, Palm a réussi à vendre plus de 34 millions d'ordinateurs de poche et poursuit le développement d'autres produits. Donc, bonne fête à Palm. Aux États-Unis, la compagnie Dell a officialisé sa nouvelle configuration monstrueuse, le XPS 600 Renegade, un ordinateur édition limitée qui vaut 10 000 $. 10 000 $. Il est équipé un petit peu. Mais ça, c'est accompagné d'un processeur Pentium Extreme Edition Dual Core, overclocké à 4.28 GHz au lieu de 3.73. On peut aussi noter la présence d'un écran LCD de 30 pouces, de 4 cartes SLI GeForce 7900 GTX avec 512 MB de mémoire GDDR3. 4 cartes SLI GeForce, ouais. Mais pourquoi 4? Pour les jeux, je crois. Ok. Pour 4 écrans? Je sais pas. Ça me semble, tu peux pas brancher 4 fois ton écran. C'est vrai, hein? En tout cas. Non, peut-être. Je sais pas. Mais ça doit être justement pour pouvoir se mettre plusieurs écrans, justement. Peut-être pour jouer un mur d'écran. Un LAN party, quelque chose. Disque dur de 400 gigs. Incroyable. Ah, c'est malade. 10 000 $. En fait, c'est 9 930 $ US. Beaucoup moins cher que 10 000 $ Avec un beau boîtier en feu. En feu. Mais hein, c'est super ça, beau. Ça fait extreme. Mmh, pas mal, pas mal, pas mal. Enfin, bon. Et encore un petit peu de gadgets ici. Le fabricant Pretech va proposer des clés USB la grosseur d'une pièce de... Ben, ça dit 5 cents, mais ça, c'est des cents françaises ou peu importe, des euros. Donc, mais bon, très, très petit, la grosseur d'une pièce de monnaie. 26.8 par 12.2 par 1.9 mm. On peut voir sur la photo que je vais poster sur cnx.cif.ca. C'est comme, t'as-tu vu hier, j'ai vu ça justement dans un magasin qu'on ne nommera pas, les mini SD. Les petites cartes pour téléphone cellulaire? Ouais, c'est... Really? Puis t'as des adaptateurs pour mettre dans une SD pour le mettre dans ton ordi après. C'est hallucinant, c'est petit, là. Mais pourquoi petit de même? Ben, c'est parce que les cellulaires sont toujours de plus en plus petits. Oui, mais c'est parce que ça tient pas des cellulaires quand ils sont petits de même. Non, c'est petit de même. Mais faut-tu le tape après ta tête si tu veux pas avoir mal au cou. C'était dans Zoolander. Tu te rappelles-tu de Zoolander? As-tu vu ce film-là? Non. Justement, c'était son cellulaire mesurait à peu près un pouce de haut. Parce que c'est la folie d'avoir le plus petit cellulaire. Je comprends pas ça. C'en était vraiment une joke. Vraiment c'était ça le but. Justement. Une carte SD, là, c'est assez petit. Tu sais, c'est vraiment là, petit. C'est mini SD que ça s'appelle. Ouais. C'est vraiment petit. Il va y avoir des macro SD un jour? Peut-être. Sûrement. En tout cas, donc, ce que je disais ici, c'est que les capacités, c'est 128 et 256 MB. Difficile de ne pas les égarer. À moins de les attacher à quelque part. C'est pour ça qu'il y a une corde après. Tu peux t'en servir comme un porte-clés. Un trou, un collier aussi. Ouais. Donc, il va être vendu au prix de... ça parle en euros ici, entre 25 et 35 euros. Des versions 512 MB et 1 GB seraient déjà en préparation. Et elles vont être associées à une vitesse de lecture de 10 MB secondes. Quand même pas si mauvais que ça. Il reste plein de stock, mais pour me préparer un petit peu, on va aller en musique écouter une pièce rapide de They Might Be Giants. On écoute I'm Sick of This American Life tout de suite à la connexion sur CFU89.1 FM. Kid, I got nothing to say. Quit bugging me, go away. High time you realize I didn't come here to socialize. I'm sick, sick of this American life. And I've learned the value of human sacrifice. I like staring at two glass eyes. Keep them stuffed, museum style. Got alarms set all around. In case they move around, I'm sick, sick of this American life. And I've learned value of human sacrifice. They Might Be Giants, I'm Sick of This American Life, de la compilation de chansons rares de They Might Be Giants qui s'appelle They Got Lost. À la connexion, évidemment, on aura la chance d'entendre une autre pièce un petit peu plus tard parce qu'on a encore un petit peu de temps. En tout cas, j'espère avoir le temps d'en passer. Sur le site web cnx.cif.ca, j'ai posté deux nouveaux vidéos du jeu New Super Mario Bros. Le jeu le plus attendu de l'année par moi-même et quelques autres personnes. Nouveau jeu, retour à la base, rétro, 2D, gauche à droite, un petit peu à la Nintendo originale. Donc, deux vidéos absolument excellentes qui vous mettront l'eau partout sur le corps. De la sueur, genre, parce que vous allez comme... Et pas dans la bouche. Vous allez être comme excité de voir ça, j'en suis certain. Et d'ailleurs, même des vidéos directement en direct de quelqu'un en train de jouer sur une DS avec. Donc, ça vous donne vraiment idée de quoi le jeu va avoir là. Ça va être grandiose. J'ai aussi posté une vidéo du hardware de la Revolution du GDC, donc de la Game Developers Conference. Une vidéo en réel, une vidéo de la console. Voir la console de tous les côtés, la manette, etc., etc. Donc, on a vu toutes les photos, là. Maintenant, c'est l'heure de voir des vidéos. Et encore une fois, baver de plaisir. Ici, là. Une souris, hop, là! Femme libérée. Okay. Ouais. Ici, quelqu'un a fait un mod, une souris optique, mais dans une manette de NES. Donc, ça veut dire, une manette de NES, bon, on connaît la manette rectangulaire avec les boutons rouges, etc. Qui fonctionne comme une souris. Hein? C'est-tu pas génial, ça? Prenez une vieille souris cheapo, mettez-la à l'intérieur de la manette. Les instructions, comment faire ça, c'est sur le site cclx.ca. Ça va pas bien, mais c'est le fun à voir, par exemple. Ouais, mais c'est... Vous avez besoin d'un Dremel, de la colle et de soudure. Il faut être bon en soudure. Trop difficile pour moi, je le ferai pas de toute façon. Resident Evil fait peur à un gamer japonais. Donc, sur l'écran de votre radio, regardez ça tout de suite. C'est un gars qui freak en jouant à Biohazard, qui est la version, je crois, européenne de Resident Evil. Et ça devrait se charger bientôt. À la fin, on le voit abandonné. Vous voyez en bas, là, dans le bas à gauche de votre radio. En bas à droite. À droite? Allez voir. Les face à face. Ah, c'est ça. Ben, c'est à votre gauche, à ma droite, ou le contraire. C'est ça. C'est pas pareil. Allez voir la vidéo cnx.cif.ca. C'est plate quand ça marche pas, mais c'est pas grave. Juste avant 21h, lundi soir dernier, deux hommes ont été tirés lors d'une fusillade à Columbus, en Ohio. Jamel D. Gibson, 25 ans, et Robert D. Smith, 20 ans, ont été amenés à l'hôpital pour se faire traiter. L'incident s'est passé près de Port Columbus International Airport. Ça dit ici qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'intérieur de la maison lors de la fusillade, mais heureusement, aucun des enfants ont été frappés par les balles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'intérieur en train de jouer à la PlayStation. Donc, la police et la PlayStation sauvent des vies. C'est ce que ça dit. La police cherche toujours les deux hommes qui étaient en Cadillac blanche ou en Oldsmobile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont été sauvés par les jeux vidéo. Je trouve ça très, très intéressant. C'est fun. Ici, une autre vidéo qu'on devrait voir ici, c'est un documentaire qui explique la connexion possible entre Michael Jackson, sa musique de Michael Jackson, et la musique de Sonic 3. Donc, Moonwalker de Michael Jackson ressemblerait à une pièce de Tetris, de Sonic. Ok? De Sonic 3. J'ai joué à ça plein de fois, man. Moonwalker, on avait ça sur le Sega. Hein? Ouais. À ce qui paraît que c'était Michael Jackson qui était supposé faire la musique de Sonic 3. Il a dû se retirer à cause d'un scandale qu'il y avait eu dans ce temps-là. Donc, à ce qui paraît que la pièce Carnival Night Zone 3, Jam, et la chanson du générique ressemblerait à la pièce Stranger in Moscow de Michael Jackson. Donc, regardez le documentaire, l'extrait du documentaire, et il y a des comparaisons vraiment avec les jeux, donc... Amusez-vous avec ça. Michael Jackson's Sonic 3, c'est sur le cnx.cif.ca. Hey, on a entendu justement la musique. Là. Ah, mais fuck. C'est pas grave, on est pressé, on a plein de choses. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Champignon de Mario qui bouge, c'est le fun. C'est juste un bloc. Okay? Donc, c'est vraiment le fun. C'est un champignon qui vire et qui rebondit comme sur une petite boîte. Lorsque le soleil l'éclaire, donc ça marche par le soleil. C'est juste c'est un gadget que t'achètes, c'est au Japon. Il vient en version de 6 pouces, 8 pouces et 10 pouces. Ouais. Je suis pas amateur de drogue, je connais pas du tout. Là, je te parle pas de drogue. Ah, c'est pas de la drogue, okay, j'aurais pu croire. Et non, un champignon qui bouge, Mathieu. En tout cas. Non. Je t'expliquerai ouais, ça. Ouais, tu m'expliqueras ça, mais c'est fun. Le film Stay Alive est sorti au cinéma la semaine dernière, le trailer pour adolescents. En fin de compte, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Il a réussi quand même, il était mieux que... Attends, il a fait plus d'argent qu'il était supposé faire que ce que Disney s'attendait. Il a battu la projection de 7 à 10 millions de dollars. Donc, bonne nouvelle pour eux. Mais mauvaise nouvelle, c'est que les critiques sont super mauvaises. On dit vraiment des commentaires. Par exemple, va terrifier le public, étant donné que le public va se rendre compte qu'il y a de meilleurs acteurs dans les jeux vidéo que dans les films. Donc, c'est un mauvais commentaire. Si tu dis que les acteurs de jeux vidéo sont meilleurs que les acteurs dans le film... Ben, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait venir. Ouais, c'est ça. Ça dit complètement... c'est de la marde, dans le fond. Ça, j'essaie de lire et voir qu'est-ce que ça pouvait donner, mais les critiques sont très mauvaises pour Stay Alive. La PlayStation 1, l'original, la PlayStation va arrêter d'être produite par Sony. Donc Sony, après 11 ans et plus de 100 millions de PlayStation vendus, il a annoncé qu'il ne fabriquerait plus de PlayStation 1. Ça commence à être temps. De toute façon, les jeux sont jouables sur PlayStation 2 et sur PlayStation 3. Ça. C'est ce qu'on dit. Ici, ce que j'ai sur cet article-là, ici, c'est des vêtements pré-pixelisés. Parce que on voit souvent à la télé, dans la télé-réalité, surtout des gens que leurs chandails sont pixelisés à cause qu'il y a une marque dessus. C'est une bonne idée. Donc, chandail pré-pixelisé, j'aime vraiment ça me tente vraiment de m'en acheter. Ah non, mais faudrait en faire. Faudrait en faire nous-mêmes à la place de l'acheter. Ben, c'est clair. Gaspillage. C'est tellement simple à faire. C'est juste semaine... l'idée qui est hot. Ouais, c'est vraiment hot. Cette semaine, macOS X a eu 5 ans. Ça fait 5 ans que macOS X existe. Il me semble que ça faisait pas si longtemps que ça. Non, tu vois. Est-ce que ça va être bon ça? Je sais même pas regarder ces vidéos-là, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais Beverly Hills, la toune Beverly Hills, est-ce que tu connais la toune Beverly Hills de Weezer? Non. Non, mais en tout cas. On voit ici Master Chief en train de Master Chief, évidemment, de Halo. Oh, oui, ça, en train de danser sur la pièce de Beverly Hills. De... Mais on le voit pas finalement. C'est pas grave, on s'en fout, sérieusement. Ça. Un autre champion. On se rappelle Ghislain Raza, qui est le Star Wars Kid. Oui. J'espère que tu connais, que ben, te rappelles de lui. Ceux qui se rappellent pas de Monsieur Star Wars Kid. Vous avez un problème. Ouais. Donc, il s'est rendu célèbre, évidemment, après s'être enregistré sur vidéo, en train de se batailler avec un lightsaber. Ici même, au séminaire de Trois-Rivières. Ici même, c'est un trifluvien, Ghislain Raza. Donc, ça s'est passé. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment. Ça s'est passé en 2003. Il poursuit les trois collègues de classe qui ont posté le vidéo en ligne. Il les poursuit pour 160 000 $. Merde! Incroyable. Non, donc, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais quand même, je trouve ça cool. C'est un rapport avec l'Internet, si on veut. Est-ce que t'as-tu pogné ça sur un site? C'est sur quel site t'as pogné ça? Sur Kotaku, un site de jeux vidéo. Un site de nouvelles de jeux vidéo. Anglophone, non? Oui, anglophone. Aïe, aïe. Ouais, Star Wars Kid a fait le tour de la planète. Ah non, il est plus connu aux États-Unis qu'au Canada, quasiment. Mm. Ça a vraiment fait. Ben, ouais, peut-être pas. Non, mais il est connu partout. C'est partout. On va avoir moins de temps pour parler de ces dernières affaires-là. On va passer plus rapidement dessus. Mais dans la chronique Free Play, le jeu cette semaine que j'ai trouvé vraiment cool, c'est Sushi Samurai, qui est un remake en flash de Burger Time, excepté avec quoi des ingrédients pour faire quoi du sushi. Facile! Oui. Génial comme jeu, vraiment, ça vaut la original peine de l'essayer. Pareil. Très, très original. Un émulateur de NES sur Xbox 360. Apparemment que Zexter, un propriétaire de Xbox 360, a réussi à amener un émulateur de NES sur la Xbox 360 avec le Media Center 2005. Donc, il y a même un menu de sélection des ROM. Évidemment, lui, il dit qu'il a mis des ROM du domaine public, là, mais on s'entend qu'il a mis du Mario puis du Duck Hunt là-dessus, c'est sûr. je pense que c'est pas mal tout. Le reste, ça prendrait beaucoup trop de temps à les faire, donc on va devoir terminer là-dessus. Je vais quand même remercier mon collaborateur fantastique et sexy, et quoi dire d'autre, fabuleux, Danny Janvier. Est-ce que je peux dire un message aux nerds qui nous écoutent? Sans deux, si tu veux. Allez jouer dehors un peu. C'est vrai. C'est beau, là. Allez-y. Venez de passer 2 heures à écouter une mission d'informatique et du vidéo. Ouais, vous êtes loser. Venez de passer 6 mois dans votre cabane, dans votre maison. Sortez un peu, ça va faire du bien. Puis les parents, forcez vos enfants à aller jouer dehors aussi, là. C'est le fun. Faites comme quand on était jeunes, les parents barraient à la porte. C'était quasiment ça. J'aime ça. Puis marchez pour aller à l'école, des fois, tu sais. Oui, après, oui, de prendre la bus, si vous êtes à côté, là, vous habitez en bas de la côte, à côté ici, là. Du bicycle, marchez, faites du vélo, faites du rollerblade, du skate, n'importe quoi. Rendez-vous à l'école. Et si vous voulez être geek avec votre lecteur MP3, vous restez quand même dans la technologie. C'est ce qu'on fait, Danny. Ah, oui, on a nos lecteurs MP3 en vélo, à pied, ça va super bien, ça avance beaucoup mieux, les pas sont plus faciles à faire. Donc, faites ça. Bon conseil, Danny. Merci. Bon conseil. Danny Janvier, on te retrouve dans l'émission de Techno. E3, oui. Les jeux de soir à 21h. Je suis en forme pour ça, à soir. Yes, en forme pour ça, à soir. Moi, je vous retrouve dans La Chance au coureur, l'émission de nouveautés musicales. On les découvre, on les analyse, on les critique, on les décortique. Ça se passe les vendredis à 11h et les mardis à 13h. Évidemment, la connexion ne serait pas possible sans votre écoute. Et ça se passe les jeudis de 11h à 13h et les mardis de 10h à midi. Tous les liens, tous les MP3, les photos, les vidéos sont sur le cnx.cif.ca. Le cif.ca, cliquez sur la connexion en bas à droite. Et autre que ça, si vous voulez nous commanditer, 376-583, c'est le numéro, commandite. Et autre argent et carte de crédit. On peut même donner nos numéros de compte, ben pas là en ligne, mais si vous nous appelez. Si vous voulez envoyer de l'argent dans mon compte des jardins, le numéro est le 2, c'est OK. Donc, merci d'avoir écouté. Mon nom est Mathieu Plante de la part de Danny Janvier, de Jesse Millette et tout le reste de l'équipe de La Connexion. Faites attention à vos genoux. Bonne journée. Et quoi donc? Bonne chance. With scientific instruments to test conditions there. But just before they closed the door, one scientist expelled a germ that accidentally found its way aboard and stowed away.